YL, Moussa Gaza, Sidou, RPL Gang, Marseille. Ok, plutôt ça part de là. J'ai assez pardonné. L'amitié vaut de l'or, on se 43 sur le matelas. Les années passent, on prend de l'âge. Te cache, j'ai pas chômé. Y'a du monde dans la loge, dans la neige, ils font de la lune, 60 nœuds. J'suis dans la cage, ma rage est passionnelle. Des fois, j'suis dans la lune, j'ai rêvé que j'étais actionnaire. J'sonne la page, m'emballe d'être ovationné. Chaque sonneur, pourquoi tu l'ouvres, salope, on t'a pas sonné. L'argent n'a pas la même valeur selon la main qui te la donne. J'ai pas craché dans la soupe, ma fierté, j'ai ravalé. J'ai pardonné le reste dans ma grandeur. T'as même que des bandeurs d'hommes, j'les vois tous se avaler. Et dans mes plus beaux rêves, j'les vois tous se Rafalé sur le sol, caballero. Dans leur lait la pure, elle est blanche, Raffaello. D'un coup ils font les hommes et on les voit se pavaner. Personne nous a tendu la main, nous on s'était tout seul, c'est pas la mort. Pour elle je fais la guerre, c'est ça l'amour. Bibi du jus dans la mêle, la tête du réseau devient parano. Alimente l'économie parallèle. Attends, regarde le paradoxe, le genre de truc qui fout la baramine. Mon rebeu fait le million par année. Fais profiter père et mère, pas d'hôtel avec un mannequin caramel. Car la pauvreté c'était le paramètre. On a grandi dans les parfums, des 7 ans les packers. Refourguer la frappe de Californie. Recoupons l'avance, je m'occupe de la baston. Préparer la baston, c'est mal informé. Au bon moment, on fait semblant, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. Ah, il faut, trop les fous, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. On a grandi dans les parfums, des 7 ans les packers. Refourguer la frappe de Californie. Recoupons l'avance, je m'occupe de la baston. Préparer la baston, c'est mal informé. Au bon moment, on fait semblant, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. Ah, il faut, trop les fous, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. On a grandi dans le bas-fond, mais le contact. J'y frère s'est fait baffer par les condés. La Colombie dans le caleçon, trafiquant d'armes. Elle sait que je suis mauvais garçon, elle veut me combler. On se retrouve dans des paillissons pour de la maille sale. Dans des barçons pour des parcelles. Pas pour regarder le Barça. Absinthe, sans glaçon, sans glacé. Tu pensais pas qu'il faisait si froid à Marseille? On s'est filé, ouais, je les ai vus opérer. Ces fils de pute m'ont rendu lucide. Y'a pas d'intérêt à part si t'as le terrain. Si c'est pas le cas, retourne à l'usine. Pour la musique, je pars m'amuser. J'ai ma mission, j'sors la misère. En bas ça devient dramatique, car ces bâtards ils sont pragmatiques. Ils parlent au boucan, en fumant on devenir asthmatique. Dans un gros bolide cadmatique, enlève le boucan. Dans la boîte à gants y'a l'automatique. Dans le coffre y'a la guitare qui suit le son du Dalbouka. Et s'il faut ma gueule on les traumatise. Pas de ceux qui pactisent, partir reconnaître le camp. On a grandi dans les bas-fonds, des aides dans les backers. Refourguer la frappe de Californie. Recoupons l'avance, je m'occupe de la baston. Préparer la baston, c'est mal informé. Au bon moment, on fait semblant, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. Ah il faut, trop les fous, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer. On a grandi dans les bas-fonds, des aides dans les backers. Refourguer la frappe de Californie. Recoupons l'avance, je m'occupe de la baston. Préparer la baston, c'est mal informé. Au bon moment, on fait semblant, je vais les allumer. Où il faut, quand il faut, je vais les allumer.